Ah, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, gros? Marseille, Cosmopolitanie, gros. Tous unis, tous ensemble. On n'est pas des milieux sur Terre. On est des milliards. Black, blanc, beurre. Tout le monde, c'est la famille. Eh ouais, gros. C'est la famille. C'est la famille. Eh ouais. C'est la famille. Ta cousine, ta cousine, ton père, ta mère, tout le monde, c'est la famille, gros. Même le Parisien, c'est la famille. Voilà, à part si tu portes le maillot du PSG. Hein. À Marseille, tu es le bienvenu. Et tu sais pourquoi, moi? Parce que j'ai la famille. Allez, bise, je vais gonfler, allez, bise.